Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Quelle idée a eu le patron de m'envoyer au bout des boulettes? Mon petit Paul, un nouveau strip club vient d'ouvrir. J'ai reçu une belle paire de billets pour l'inauguration officielle. Je vous les donne. Mais... Non, inutile de me remercier. Vous en profiterez pour m'écrire un papier sur le sujet. Avoir su, je serais resté libraire. Malheureusement, c'est le genre de boulot qui vous met rapidement sur la paille quand vous avez affaire à des clients plus vendeurs que vous. Ah, tiens, quand ça, je suis arrivé. Eh boy! Méchante filée! Ah, j'ai pas trop le choix, j'imagine. Je vais me mettre en ligne comme les autres. Ça va être long. Monsieur Courtemèche? Eh non! Mais si, c'est bien vous! Ah, pour être moi, c'est bien moi. Mais vous ne devriez pas surprendre les gens par derrière, Madame Coudon. Vous m'avez fait une de ces drouilles. Oh, je suis désolée, Monsieur Courtemèche. J'étais tellement surprise de vous trouver en ces lieux que je n'ai pas réfléchi. Ah, ça va, y a pas de bobo. Au fait, que faites-vous dans ce quartier dépravé, vous? Ce n'est pas du tout un endroit pour une dame comme vous, ça. C'est bien gentil, Monsieur Courtemèche, mais je suis ici en toute connaissance de cause. Ah bon? Si. Imaginez-vous que j'ai pris sur moi de m'impliquer personnellement en personne. Ah bon? Vous êtes surpris? En fait... Non, pas vraiment. Mais il me semble que vous vous impliquez déjà pas mal avec les levées de fonds puis tout le reste, là. Oh, bien sûr, mais cette fois, c'est très différent. En quoi? Eh bien, disons que c'est... très concret. Oui, c'est ça, très concret. Parce qu'une levée de fonds, ce n'est pas concret? Non, pas vraiment. Oh, je veux dire, avec une levée de fonds, on garde tout de même une distance avec le problème que l'on veut enrayer. On n'est pas... Comment dirais-je? Le principal intervenant. Et ce soir, vous êtes le principal intervenant. Oh, certes, oui. Enfin, je ne suis pas seule, mais je fais sans doute partie des principaux intervenants. Et ça concerne... C'est que... Oh, c'est quelque peu délicat. Tant que ça? C'est-à-dire que... Mais pouvez-vous me donner un indice? Juste un petit, hein? Un tout petit. Vous y tenez? Eh diantre, c'est que vous avez titillé ma curiosité? Alors, soit. Disons que je m'implique auprès des dames de la rue. Ah bon? Ah ben, que faites-vous? Vous les remettez sur le droit chemin? Oh non, pas du tout! Oh, voyez-vous, notre action, car je ne suis pas seule dans mon implication, je le répète, se veut, comment dirais-je, plus... élémentaire. Plus élémentaire? Mais en quoi? Nous leur distribuons... De la nourriture? Non. Des conseils? Nullement. Enfin, si peu. Pas de sermons? Oh, que dites-vous là? Vous n'y êtes pas du tout. Nous distribuons des... Des rubbers! Merci, ma poule. Je vous en prie. Je ne vous retarderai pas plus longtemps, Monsieur Courtemèche. Je me sauve. J'ai encore beaucoup de... Robert? Comme vous dites, à distribuer. Bonne fin de soirée. Vous de même, là, Madame Coudon. Mais, j'aurais tout vu. Ah, nom de Zeus! Avec tout ça, j'ai perdu ma place dans le fil. Et j'ai l'impression qu'elle est encore plus longue que lorsque je suis arrivé. Salut, mon jeune! Pépin? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, tu le vois bien, je fais la ligne, comme tout le monde. Mais pourquoi? Ah, pour la même raison que toi, je suppose. Ah, ben, ça m'étonnerait, là. Ah, ouais? Pourquoi j'ai fait été là, toi, de bord? Ouais, c'est le journal qui m'envoie. Ben, moi, tout. Ben, ça n'a pas d'allure, ce papa, voyons donc. Vous voulez rire de moi, là? Ben, pas tout, mon jeune. En apparence que ton journal avait des étiquettes en trop. Ah, fait que... Le journal vous les a données. Ben, oui. En fait, j'ai gagné. Hein? Ben oui, il fallait tirer, puis j'ai gagné. Je m'en voyage. Et quoi de trouble? Ben, à vrai dire, je pensais pas que le journal ferait tirer ce genre de billets, là. Pourquoi c'est qu'ils ont, ces tickets-là? Ils ont de la main correcte? Ah non, ce ne sont pas les billets le problème, papère. C'est l'endroit auquel ils donnent accès. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, c'est pas une place pour vous, papère. Ben, tu sauras, mon reine, que je suis capable de boire de la bière, moi, comme tout le monde. Ça, j'en doute pas, papère, mais... Puis que j'haïs pas ça, une petite game de temps en temps. Hein? Puis que dans mon temps, ben, je t'en pas bien pantoute. Alors, c'est pas parce qu'il y a un brin de neige sur la couverture qu'on a pas le droit de tenir une queue. Papère. Voici. De quoi vous parlez, là? T'es en train de te dire, mon reine, que j'ai gagné des tickets la nouvelle pool room qui rouvre à soir. Pis j'ai bien le droit d'y aller si je veux, Boswell de Boswell! Ah! Ah, c'est ça! Ah, bon. Mais, ben... Vous voyez pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, mon reine? Vous... Hein? Pépère, Vous n'êtes pas dans la... Bon, qu'est-ce que tu racontes là, là? Regardez, ma père. Boswell! Je suis pas dans votre ligne! T'arrêtes pas plus mal dire tout de suite! Boswell de Boswell! Thank you. c'était Ring de Christian Martin. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Moi, j'ai une pêche d'enfer. Ah, ou presque. Que fais-tu là? Ah, tu me vois bien, là? Je fais le poireau, le piquet, le poteau, la digne, la file, la queue de loup. Oui, bon, ça va, je vois. Envoyé par ton journal? Ah, on ne peut rien te cacher. Et toi? Je suis MC pour la soirée. Ça sort pas de tes cordes, ça, un peu, non? Oui et non. J'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse. Mais ça fait un bail. Pourquoi tu reviens à ce genre de boulot? J'ai besoin d'argent. Ah bon? Et pourquoi ça? J'ai honte de l'avouer, mais j'ai quelque peu investi dans une invention de mon cousin Samy. Tu te souviens de mon cousin Samy, l'inventeur? Ah ben, oui, je m'en souviens très bien, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je ne sais pas, un coup de folie sans doute. Mon pauvre vieux. Et c'était quoi cette arnaque? Mon polo, ce n'était pas une arnaque! En fait, je ne comprends pas du tout ce qui a pu clocher. Il s'agissait pourtant d'une merveilleuse petite invention, d'une idée des plus astucieuses. Mais encore... Des papiers mouchoirs réutilisables. Tu sais comment l'environnement est important de nos jours. Eh bien, avec Mouche Encore, fini le remplissage intempestif des dépotoirs avec des amalgames dégueulasses de vieux Kleenex malpropres et ratatinés. Vive les dépotoirs Kleenex Free! Ah, ça me fait de la peine de dire ça, là, mon vieux, mais... Mon père utilise déjà quelque chose de semblable. Ah oui? Alors là, tu m'étonnes! Eh ouais. Tu vois, là, au lieu de papier, là, c'est en tissu. Et quand il est plein, direct dans la laveuse. Lui, il appelle ça tout simplement des mouchoirs. Ah oui! Des mouchoirs! Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Remarque, si le produit existe déjà, cela expliquerait peut-être que cette idée de génie est lamentablement foirée. Tu penses? Oui, bon, mais ce n'est pas tout ça. J'ai encore ce fichu contrat de MC. On se revoit à l'intérieur? Sûrement. Remords de remords. J'ai encore perdu ma place dans le fil. In a world that incites it, you to suicide, to get stoned for lies. One may wonder, is there still a light somewhere? In a world where there's no respect, where grandparents are spat in the face, in a world where wolves are disguised, in angels for a one may wonder, is there still a light somewhere? Is there still a light somewhere? In this world where the gods are, is almighty and gives all powers. In this world, the poor is poorer. J'ai enfin réussi à me rapprocher de la porte du club. Encore une petite demi-heure, puis... Étrange, ces sons. On dirait une manifestation. Ah ben oui! Il s'agit bien d'une manifestation. Mais... ces manifestants, je n'en crois pas mes yeux. On dirait... des clones du témoin avec leur béret et leur bible. Pourvu que celui-ci ne soit pas parmi eux. Ah, ramor de ramor. Il y est. Il m'a vu en plus. Il vient vers moi. Ah, mais quand ça va mal, ça va mal. Mon très cher monsieur, que faites-vous là, dans cette file se dirigeant en droite ligne vers l'enfer? Ne me dites pas que vous portez intérêt à ce genre de divertissement dégradant et pervers. Ah, je suis là pour le journal, témoin. On m'a chargé de couvrir la soirée d'inauguration. Ah bon? Ah, je me disais aussi. Mais... vous auriez dû refuser pour sauvegarder votre intégrité et votre âme. Pas possible, ça, témoin. Pas après que le patron ait accepté de me reprendre après mon aventure en librairie. Comme il me faut encore manger de temps en temps. Ah oui, je comprends. Quand la misère vous guette, on accepte de pousser la brouette. Ouais, comme vous dites. Mais vous, que faites-vous là? Vous n'y allez pas un peu fort avec l'évangélisation? Ah, mon très cher monsieur, vous n'y êtes pas du tout. Cette nuit, il ne s'agit pas d'évangélisation, mais de protestation. À cause du caractère de l'établissement? Ah ben, bien sûr. Ça vous est venu tout d'un coup? Comment? Je demande ça parce que c'est bien la première fois que j'entends parler d'une manifestation organisée par les témoins de Malvignon. Et pour cause, mon très cher monsieur, c'est notre toute première. Ce n'est pourtant pas le premier établissement du genre à ouvrir en ville. Ah, certes non. Malheureusement. Toutefois, c'est le premier à ouvrir dans notre cour arrière. Votre église est dans le quartier? Pire! Cet établissement du diable est littéralement dans notre cour arrière. Si vous longez cet immeuble infernal pour accéder à ses arrières, vous tombez directement derrière notre église. Au nom de Dieu! Comme vous dites, c'est un scandale. Bon, sans doute. Mais avez-vous songé qu'il s'agit peut-être également d'une occasion en or? Que dites-vous là? Ah, tous ces pêcheurs, là. Imaginez un peu le bassin potentiel de conversion. Hein? D'où j'ai dû? Je n'y avais pas songé! Oh! Des conversions! Le rêve! Mon très cher monsieur, vous voudrez bien m'excuser. Je dois de ce pas partager cette révélation avec mes consœurs et mes confrères. Bien sûr, témoin. Allez en paix. Vous de même, mon très cher monsieur. Mesdames et messieurs, distingués invités, la direction du Poulet Boulette vous remercie d'avoir assisté à cette soirée d'inauguration. Elle espère que vous avez apprécié et que vous parlerez de ce tout nouveau club fantastique à vos parents, amis, collègues, amants et maîtresses. Bonne fin de soirée! Ah nom de Zeus! J'ai raté l'inauguration. Toutes ces heures à faire le pli de grue pour rien. Et mon article pour le patron? Remords de remords. Ah, tant pis, il me faudra broder, quoi. Moi qui voulais écrire de la fiction, je suis servi. Les éditions L'Avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Pépère et de l'annonceur, Cassa Dellinger dans le rôle de la prostituée et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.